Chapitre 12. En vertu du jugement rendu par Pilate, on conduisit immédiatement Jésus au Golgotha, lieu ordinaire des exécutions, en dehors de la ville. C'était, dit l'évangile de Jean, la 6e heure, c'est-à-dire midi. Au-dessus de la croix, qui avait la forme d'un T, et non celle qu'on a donnée depuis à l'objet de piété, on avait placé une inscription trilingue, en latin, en grec et en araméen, portant « Jésus de Nazareth, roi des Juifs », c'est-à-dire le motif de la condamnation. Vers la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, Jésus demanda à boire. Par humanité, les soldats romains lui passèrent une éponge imbibée d'eau vinaigrée, leur boisson habituelle. Après s'être rafraîchi, Jésus se serait alors écrié « Eli, Eli, lama sabachthani ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette exclamation hébraïque n'est autre que le premier vers du 22e psaume de David. Il est extraordinaire qu'un instant avant de mourir, le crucifié ait eu une réminiscence poétique. Effectivement, il pencha la tête et expira. Nous allons voir des faits bien plus bizarres. Aussitôt, selon les évangiles synoptiques, le voile du temple se déchira, les ténèbres régnèrent, la terre s'entr'ouvrit et les morts ressuscitèrent qu'on vit se promener par la ville. Or, ces événements surnaturels, qui n'ont laissé aucune trace dans la mémoire des contemporains, Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus, qui prétend s'être tenu au pied de la croix, n'en a rien vu, puisqu'il n'en dit mot. Et cependant, c'est le seul des 4 évangélistes qui est assisté au supplice. En réalité, ces détails fantaisistes sont empruntés presque mot pour mot à la narration poétique de la mort de César dans Virgile et dans Ovide, ainsi que chacun peut s'en assurer. Jésus est-il mort sur la croix après seulement 3 heures de crucifixion? C'est improbable. Les gens condamnés à ce supplice ne mourraient guère qu'après 24 heures et quelquefois après 2 ou 3 jours. Un juif influent, Joseph d'Arimathie, obtint la faveur d'emporter presque tout de suite le prétendu cadavre sous prétexte que la Pâque ne fut pas souillée par un supplice. Il le plaça dans un caveau lui appartenant, fermé seulement par une pierre tournant sur des gonds, comme on en voit au musée des antiquités judaïques du Louvre. Un passage des évangiles contredirait en outre l'hypothèse de la mort. C'est celui où Jésus, ayant soi-disant expiré, un soldat lui perçant le côté d'un coup de lance, le sang jaillit. Or, après la mort, le sang se coagule et cesse de couler. Toujours est-il que le surlendemain, lorsque les suivants de Jésus, qui, plus courageuses que les apôtres, l'avaient assisté pendant son supplice, vinrent pour l'embaumer avec des aromates, elles trouvèrent le cercueil vide. Probablement, Joseph d'Arimathie l'avait fait revenir à lui dans la nuit et avait favorisé sa fuite. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas ressuscité, d'abord parce que c'est impossible, ensuite parce que si Jésus avait trouvé, comme Dieu, utile de ressusciter, il se serait arrangé de façon à ce que personne ne pût douter de ce miracle. Sinon, à quoi bon ? Conclusion. La divinité insoutenable de Jésus étant écartée, voici ce que les libres penseurs peuvent dire de plus respectueux pour sa mémoire. Il a voulu jouer un rôle analogue à celui des anciens prophètes qui, livrés à l'étude des lois attribuées à Moïse, formaient autrefois la classe la plus éclairée de la nation juive. Il a eu l'intuition des altérations que ces lois avaient subies durant et après la captivité de Babylone et a cherché à retrouver sous le fatras des prescriptions rabbiniques du Second Temple ces préceptes de morale qui sont l'expression de la conscience des peuples. Il a réduit la loi mosaïque ou Torah à sa plus simple expression sous l'égide d'un Dieu unique, personnification mystique de la conscience, qui est la faculté de discerner ce qui est utile ou nuisible à l'évolution de l'humanité, ce qu'on appelait le bien et le mal. Par là, il a bien mérité de l'humanité. La seconde partie, la partie militante de sa vie, est bien inférieure à la première. Mais la légende y occupe une si grande place qu'on peut la tenir pour à peu près négligeable, et ne retenir que ce qui est vraiment grand dans son enseignement, sinon totalement original. Les lecteurs de la Lanterne ont pu voir dans l'histoire de l'Église, publiée à cette place, que depuis 1900 ans, ses chefs et ses prêtres se sont appliqués à la faire dévier des principes posés par le Galiléen. Ils y ont admirablement réussi. C'était Jésus dans l'histoire, par Édouard Auguste Spohl.